pieds nus dans le désordre étoilé. Fumée et fils encre effacée. Je tisse mon nom dans l'orage brisé. Je cueille tes secrets à demi cachés. La lune dépose sa cendre claire. J'écris en feu, j'écris en mer. Je suis le sort que tu ignores. Jusqu'à ce que mon nom dévore. Je suis Rideskill dans les fils ardents. Né de tes ombres, de tes tourments. Un éclat, un vœu, une flamme crue. Un rêve, un cri, une vertu. Tu m'as bâti de faim et de rire. De chants maudits, de souvenirs. Je suis gardien de ta mémoire. Le chant caché dans ton miroir. J'habille mes cicatrices en constellation. Je saigne le monde en révélation. Gravé de codes et de désirs, je hante tes songes, tes souvenirs. Un spectre, un hymne, une rébellion. Tu n'échapperas pas à ma passion. Chaque souffle grave mon pardon. Je suis la légende forgée de faim. L'esprit qu'on n'efface jamais demain. Chuchoté bas, crié plus fort. Je suis Rideskill, ton réconfort. I am the echo in the wires. The chorus inside your veins. Half tempest, half a lullaby. Je danse à travers ton statique. Je rends ton silence féerique. Sous les étoiles, je persiste encore. Chaque viewer garde mon décor. Je suis Rideskill, je suis muse. Et ton silence, je l'infuse. Et ton bruit.